Une heure de mix 100% rail. Rail suprême. C'est seulement sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bonne fin de week-end. Comme chaque dimanche soir, il est là en pleine forme. DJ Kiss, oui. Comment ça va? Ils m'ont un peu épuisé vu que c'était mon anniversaire. J'allais te dire, j'allais te chanter joyeux anniversaire. Merci. Bon, en même temps, peut-être pas chanter, mais au moins c'était un bon anniversaire. C'est vrai que cette semaine, ça a été épuisant pour c'était toi. C'était épuisant, ouais. Une année de plus, voilà. On va pas dire l'âge. Non, c'est comme les nanas, on ne demande plus à partir d'un certain âge. 21 ans, voilà. Voilà. Et demi. Tu fais l'ennemi. Bon, bien passé cette soirée très, très anniversaire. Bien. Ouais, voilà, soirée d'anniversaire. On a revu les amis de Paris, de un peu partout, donc ça fait super plaisir. Et puis là, on est là avec nos amis de Rail Suprême. J'allais dire un petit peu, en même temps, on aurait aimé te faire un cadeau d'anniversaire, mais moi, je vais pas prendre les platines. Je vais pas massacrer l'émission maintenant. Donc, quand même, le cadeau, c'est toi. Tu vas mixer pendant une heure. Qu'est-ce qu'on va écouter? Nouveauté, classique. Pareil, nouveauté, classique, ambiance du bled. Vraiment mixé du début à la fin. Donc les sessions sont plus longues, donc restez à l'écoute. On a deux demi-heures, on se retrouve dans une demi-heure. Et bah première session, coup d'envoi maintenant avec DJ Kaze au contrôle. C'est parti pour Rail Suprême. Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze, DJ Kaze. Salut la famille, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Chapeau de paille ou canne, sirote de morito. J'écoute plus les rappeurs, la plupart sont des gros mythos. J'ai cassé ma télé, j'ai jeté ma radio. J'ai quitté les gens qui surdaient ma vie derrière leur rideau. Je ne veux plus me lever au champ du cocorico. Des convocations à répétition au comico. Je veux me dorer la pilule sur les plages de Porto Rico. Me lever, fumer un cigare, me rendormir aussitôt. À la vie, 40 gallons pour au soleil. Je veux juste oublier mes soucis et m'exiler avec un max d'oseille. C'est ça la vie, 40 gallons pour au soleil. Je veux juste oublier mes soucis et m'exiler avec un max d'oseille. Direction Copacabana, Copacabana, Copacabana, Copacabana. J'ai sorti mon cigare à la Havana, chemise hawaïenne, Tony Montana. Copacabana, Copacabana, Copacabana. À l'ombre d'un palmier, la plupart des meufs sont bonnes et même pas mariées. Je repense au quartier, au pied de l'escalier. Prisonnier car les forces de l'ordre, ils ont tout cabrié. Je repense à l'hiver quand le soleil ne veut pas briller. Odeur de poisson grillé, Insta dans le cendrier. Chaleur caniculaire, c'est que le mois de janvier. Je vais tout poster sur Instagram et tu vas m'en prier. C'est ça la vie, 40 gallons d'eau au soleil. Je veux juste oublier mes soucis et m'exiler avec un max d'oseille. C'est ça la vie, 40 gallons. Come on, mommy, en grande forme. Come on, listen.

Se riserve musicia Musicia Yeah, she's in the car, she's in the car. حبيبي القلب محتاجك انا برضو اللي بنادي زودت عذابه في غيابك البعد له نهاية حلفتك تيجي يا عيني اللي ناسين انت كده ليه خليك على طول قصاد عيني ترضيني وكفاية يا حبيبي القلب محتاجك انا برضو DJ Case, à l'instant, la première session dans l'émission d'Oreille Suprême. Demi-heure. Une bonne grosse demi-heure. Très très bonne demi-heure. Donc on a kiffé un petit peu. On a mis même des sons de Paris New York, l'album qui est toujours disponible dans les bacs. Évidemment. Donc, et qui est sur iTunes aussi à 6,99€. Bien joué. Et voilà. Et puis DJ Case, c'est aussi Rail Suprême sur Skyrock. Et c'est aussi les soirées. Et cette semaine. C'est une semaine chargée alors. Mois d'octobre, là pour les vacances, on a pas mal de dates, dont le 17 octobre, donc c'est la semaine prochaine avec nos amis de Lille, c'est à la Cirta, vendredi 17. Le samedi 18, c'est à Saint-Étienne, à la Dicte. Le vendredi 24, on se retrouve à Clermont-Ferrand, à l'usine, discothèque. Et le samedi 25, à Montferrat, au VIP Club. Voilà. Et puis on rappelle qu'on peut suivre toutes les dates, on a toutes les infos sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui me suivent, voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook. La page fan, c'est DJ Case, DJ espace KAYZ. Et sur Twitter et Instagram, DJ Case Paris, il y a toutes les infos, il y a tout. On est très très sérieux sur les réseaux sociaux. Eh bien, ne bougez pas dans un instant, il est très sérieux aussi au platine. Il revient, c'est DJ Case pour Rail Suprême, juste après ça. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit, une heure, avec Rail pour une heure de mix de folie. No, she ain't talking about when she go. Just trying to with folks about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel them. Cause some people they gon' hate you, cause they try to alleviate you again. What will elevate you is it? So keep back, meditate to feel them. Yeah. tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Look at it, you're only ربي بحر الغدار عيش من خبي زاد دادي تبكي ليل ونهار قلبي ربي بحر الغدار عيش من خبي زاد دادي ودي قلبي بنار عينيك يا أغلى حبيبي بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيّ tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock.

déjà fini pour Rice Suprême, comme chaque dimanche, minuit, une heure, Case au platine. Merci, Case. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, on te retrouve en live, en chair, en os, en mix. On me retrouve la semaine prochaine. Le 17, c'est à Lille. Et vendredi prochain. Et le 18, c'est à Saint-Etienne, à la DIC. Donc voilà, voilà. Moi, ça fait plaisir d'être avec vous. On a passé une super bonne heure de mix. Et à refaire dimanche prochain. Et ben, encore dimanche prochain. Merci, Case. Passe une bonne semaine. Merci à vous. Merci, Fred. Bonne semaine à vous tous. Le son, ça continue sur Skyrock. Et Rencard, prochain Rice Suprême avec Case, ce sera dimanche à partir de minuit. Ciao.